Bon matin. Comment? Désolé, je comprends pas. On va être dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19. La dernière partie du chapitre Matthieu, on va lire en fait Matthieu 19, 16 jusqu'à Matthieu 20, 16. Okay? Ça fait plusieurs versets, mais on va les lire ensemble. Seigneur, on te rend grâce que tu nous as purifiés par ton sang, que tu nous as lavés totalement. Et tu dis que ceux que tu as appelés, tu les as aussi sanctifiés, que tu les as aussi justifiés et que tu les as glorifiés. Fait que merci pour chaque personne qui est dans cette salle. Et on te rend grâce que tu es vivant, puis effectivement que tu veux que ton peuple soit comme une personne. Et c'est un chapitre de bénir et de parler. Tu sais ce dont chacun a besoin, et tu connais la faiblesse de chacun. Et Seigneur, que ton esprit ait toute la liberté. Amen. Alors, je ne vais pas tout relire ce qui vient avant, mais bref, le Seigneur Jésus étant a parlé de la dureté du cœur qui n'existait pas au commencement de la création. Là, il y a eu une petite intervention de la part du Seigneur avec les disciples par rapport à qui entre dans le royaume de Dieu, qui n'entre pas. Et là, il y a un jeune homme, mais en fait un homme, c'est écrit, verset 16, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, donc Jésus lui répond, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Dit-il. Et Jésus répondit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé tout cela, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, entendant cela, étaient très étonnés. Ils dirent, Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alors Pierre prit la parole et lui dit, Voici que nous avons tout quitté et que nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur son trône de gloire, vous de même qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant ou terre, recevra beaucoup plus et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure en vue d'autres qui étaient sur la place sans rien faire et leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure, puis vers la neuvième heure, et il fit la même chose. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là, et leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » Allez-vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? » Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Voilà. Amen. Une question. Vous étiez déjà arrivé de vouloir faire quelque chose de bon pour obtenir quelque chose en retour? La réponse à cette question, je suppose, est affirmative pour vous. De prouver quelque chose pour parvenir à quelque chose. Ici, on est dans un contexte où j'aimerais faire quelques petits rappels. On est dans l'Évangile de Matthieu, donc on ne va pas perdre de vue comment Matthieu, l'Évangile, commence. Le livre commence avec une généalogie. Et c'est celle de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Il ne faut pas perdre de vue ça. Le livre commence, l'histoire commence avec Dieu qui avait quelque chose à accomplir. Pas nous. Dieu accomplit son histoire. C'est ça qu'on voit. Donc, dans la première page de la Bible, c'est écrit au commencement, pas Michel, pas Roger, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Première page de la Bible. Donc, c'est l'histoire que Dieu met en place. Donc, ça, il ne faut pas perdre de vue. Quand on arrive dans l'Évangile de Matthieu, Dieu a planifié d'envoyer son fils. Et il a planifié un moment précis. Quand les temps sont accomplis, c'est écrit dans Galates chapitre 3, si je ne me trompe pas, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né d'une vierge, né sous la loi, pour nous racheter ceux qui étaient sous la malédiction de la loi. Donc le Seigneur vient, il est présenté comme roi, on a insisté sur le fait de sa royauté depuis le début de l'Évangile. Et on a insisté sur le fait que quand les anges dévoilent, quand Dieu les envoie dévoiler tant dans Luc que dans Matthieu, le message qui est dit, c'est que c'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Ceux qui attendaient la consolation d'Israël, ceux qui attendaient quelque chose, un soupir au fond du cœur, inassouvi. Donc, et cette réponse, c'est Jésus. Mais ce que j'aime regarder quand je regarde les évangiles ou quand je regarde les Écritures, c'est que c'est Dieu qui vient vers nous. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans chacune de vos vies. C'est Dieu qui est venu vers vous. Et vous savez, ce jeune homme riche, parce qu'on sait que c'est un jeune homme et qu'il est riche, ne se serait jamais approché de Jésus si Jésus n'avait pas quitté le ciel pour venir sur la terre. OK? Donc, lui, il vient, il s'approche. Et en fait, s'approcher, c'est... Il fait pas juste s'approcher. Si vous allez dans Marc chapitre 10, il nous dit comment il s'est approché. Marc chapitre 10 au verset 17. Le Seigneur Jésus vient embrasser les enfants qui sont venus. Il les a bénis là, en leur imposant les mains. Marc 10, 16. Et verset 17, c'est écrit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Fait qu'imaginez la scène un instant. Il court, il va vers Jésus et il se jette à genoux devant lui et lui dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et là, Jésus va lui dire, pourquoi est-ce que tu, dépendamment de l'Évangile, il va dire, pourquoi tu m'appelles bon? Pourquoi tu m'interroges sur ce qui est bon? Un seul est bon et c'est Dieu. Et là, Jésus va lui répondre, c'est un homme qui connaît la loi, connaît l'Ancien Testament, il connaît très bien les 10 commandements. Et Jésus va dire, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il va sur son terrain. Mais c'est important de regarder la question que l'homme pose. Parce que la réponse qu'on va voir plus tard dans le texte, elle va avec la question qu'il a posée. Et Jésus lui dit, et là, il lui va dire lesquels, quels commandements? Et là, le Seigneur Jésus va lui donner quelques commandements. Tu ne tueras pas, tu commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu voleras pas, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La réponse de cet homme, le jeune homme, lui dit, j'ai gardé tout ça. Et ailleurs, ça va être dit, j'ai gardé tout ça depuis ma jeunesse, dans Marc. Qu'est-ce qui me manque encore? Et dans Marc, c'est écrit, si vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il y a quand même ce moment-là où Jésus, l'ayant regardé, l'aima, c'est écrit. Dans Marc 10, verset 21. C'est important de voir que Jésus, l'ayant regardé, c'est pas écrit le jugea, mais l'aima. Jésus, quand il lui dit, observe les commandements et tu vas entrer, si tu vas entrer dans la vie, observe les commandements, il dit exactement ce que la loi dit. Quiconque les mettra en pratique vivra par elle, par ses lois, par la loi. Mais la réalité, c'est que quiconque observe tous les commandements mais pèche contre un seul est coupable contre tous. Donc, c'est peine perdue. Mais Jésus le sait, ça. Il le sait. Il est le seul, dans le fond. Il est le législateur. Il est la parole de Dieu faite chair. Il est le Fils de Dieu. Il est le Créateur devant sa créature. Et il est là. Il vient pour lui. Il est là pour lui. Et quand il le regarde, il l'aime. Peut-être que Jésus se dit, ouais. Avec beaucoup d'amour, tu penses que tu as observé tout ça depuis ta jeunesse, dans le sens gardé, que tu n'as pas jamais péché contre aucun de ces commandements-là, mon enfant. C'est naïf de penser cela, mais je sais que tu es sincère et que tu comprends pas. J'ai fait cet exercice-là, moi, à l'âge d'Emmanuel à peu près. Tous les soirs, avant d'aller dormir, je priais le Notre Père. Et je repassais dans ma tête les commandements que je connaissais, que mes parents m'avaient enseignés ou que j'avais entendus à l'église. Et je faisais des checklists dans mon cœur. Tu ne tueras pas. OK, j'ai pas tué. Tu ne mentiras pas. OK, j'ai pas menti. Tu commettras pas d'adultère.